Ja heu vist que avui el nostre programa comença amb música diferent. Sí, però amics meus, amics i amigues, això és Hola La Music, el vostre programa de música en francès amb Rafael Corbí. I és que avui us preparem un especial de Nadal, amb diferents artistes que ens acompanyaran en cançons de Noel, en cançons de Christmas, de Nadal, cantades en francès, les cançons de sempre. I començarem amb aquesta formació, Les Chaussettes Noires, que ens porten des de l'àlbum integral cançons com aquest twist del Pare Noel o després Noël de France. Noël. Ce cadeau-là, c'est moi qui l'ai choisi. Et je jure que j'y ai mis le prix. Il aura des aussi, c'est promis. Cadeau pour le Père Noël. La nuit, il te descendra du ciel. Il le verra devant ma cheminée, enveloppé dans du papier doré. Jugé de sa surprise, quand il sera ce que c'est. Il en aura la barbe blanche qui frémira. Il sera tellement étonné qu'il en restera bouche bée.

petits souliers. Petit papa Noël. Esteu escoltant Ulala Music. Papa Noël, pour ma part, j'ai tout ce qu'il me faut. Merci. Mais j'ai quelques amis de la famille que tu pourrais peut-être dépanner. Papa Noël, qu'il en vient à douter, Papa Noël, qu'il trouvera quelqu'un pour l'aimer. Pense à tous les gens comme lui, pense à toutes ces lèvres que l'on n'embrasse pas. Un garçon sincère et serviable qui saura entendre ce qu'elle n'a. Papa Noël, jamais dit tout haut à personne. Papa Noël, Viviane voudrait vraiment quelqu'un à faire. Bébé, Papa Noël, qui voudra plein de joie pour Noël. Aquesta és la cançó de Joyce Seton i amb la companyia de The International School of Geneva. Ens portava aquest Papà Noel. Noel Blanc, un Nadal Blanc amb Jacqueline François. J'entends chanter Noël, j'aime à revoir mes joies d'enfant. Le sapin scintillant, la neige d'argent, Noël, mon beau rêve blanc. Sonner au ciel, l'heure où le bon vieillard descend. Je revois tes yeux clairs, maman, et je songe à d'autres Noël blancs.

cache notre amour. Et quand les beaux jours refleurirent, il s'en revint au hameau. Et sa fiancée l'attendait tout là-haut, parmi les clochettes des troupeaux. Étoile des neiges, son d'honneur vont en cortège portant des fleurs par un mariage. Fini mon histoire de la bergère et de son petit savoyard. Je dirais Noël gaiement. Guillaume, prends ton tambourin comme ta flûte Robin. Au son de ses instruments, tire-lire-lure, patapatapan. Au son de ses instruments, je dirais Noël gaiement. Oh, prends ton tambourin comme ta flûteur Robin. Au son de ses instruments, tire-lire-lure, patapatapan. Au son de ses instruments, je dirais Noël gaiement. Són les cançons de Oh La La Music. Ara escoltarem una cançó de la gran cantant anomenada Petula Clark, nascuda a Ewell, Anglaterra, cantant, actriu i compositora anglesa molt coneguda, sobretot amb aquell tema anomenat Downtown. Ella també cantava en francès. Ha nascut l'enfant Dimi. Une étable et son logement pour un dieu qu'elle avait son nom. Il est né le divin enfant, joué au bois, résonné, musette. Il est né le divin enfant, chantant tout son avènement. Ô Jésus, ô roi tout puissant, petit enfant que vous êtes, ô Jésus, ô roi tout-puissant, régnez sur nous entièrement. Il est né le divin enfant, joué au bois, résonné, musette. Il est né le divin enfant, chantant tout son avènement. Petula Clark, amb la seva música i les seves extraordinàries cançons i aquest Listener Divin Enfant que acabem d'escoltar, seguim i ho fem amb tot un clàssic, Viv Le Vent. Us en recordeu del Jingle Bells? Ens el canta Dalida. Ce soir, us sona el Jingle Bells? Vent d'hiver, boule de neige et jour de l'an, et bonne année grand-mère. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut, le vent qui siffle dans les branches, lui souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver, boule de neige et jour de l'an, et bonne année grand-mère. Joyeux, joyeux Noël, aux mille bougies, qu'on chante vers le ciel les cloches de la nuit. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui rapporte aux vieux enfants les souvenirs d'hier. Et le vieux monsieur descend vers le village, c'est l'heure où tout est sage et l'ombre danse au coin du feu. Mais dans chaque maison, il flotte un air de fête, partout la table est prête et l'on entend cette chanson. Oh, neige, jour de l'an et bonne année grand-mère. Joyeux, joyeux Noël, aux mille bougies qu'on chante vers le ciel, les cloches de la nuit. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, boule de neige, jour de l'an et bonne année grand-mère. Fantàstic, el so de Dalida amb Yves Le Vang. Una altra cançó prou coneguda. En aquest cas, aquesta dolça nit, aquesta nit tan silenciosa, aquest Silent Night, que des de la Martinica ens porta Cali. Sauveur. doncs acabem. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Ha estat tot per al programa d'avui amb el nostre espai de Hola La Music, aquest espai que ens ha conduït la bona música nadalenca cantada en francès. Una cançó que ens porta ara i que ens condueix en Frederic de Grandet és la que posa el punt i final. Nadal amb tu. Això és el que desitgem per tots vosaltres. A reveure i fins la propera. Je voudrais pour Noël être près de toi pour te jurer avec émoi. Jamais.